Légende du Calvados, Lassie. La chèvre du cornu. Une gigantesque chèvre blanche hantait les abords de la masure au cornu. On la voyait, couchée en boule sur une masse volumineuse de craie quartziseuse, dans un champ dépendant de la masure du cornu, en Lassie, attenant au chemin menant à l'antique oratoire du même nom. De nos jours, on montre encore cette pierre de quartz hyalin, dont le blanc mat éclate dans l'obscurité, faisant frémir les passants qui traversent cette contrée inhabitée et déserte sur le coup de minuit. Le pas d'un voyageur attardé venait-il à se faire entendre, aussitôt la chèvre était debout. Avec une rapidité vertigineuse, en deux ou trois bonds elle l'avait rejoint. Le blanc de sa robe était si éblouissant que sa gigantesque silhouette dans l'obscurité paraissait lumineuse. Cette apparition, en de tels lieux si isolés de toute habitation, glaçait d'effroi le passant attardé, qui poussait un cri d'angoisse et faisait tressaillir les environs. Le spectre répondait alors par une sorte de rictus convulsif, cabriolant autour du malheureux. À Madeleine, au bon vieux temps, récit, contes et légendes de l'ancien bocage normand. Lu par Sabine pour Audiocité sous la licence Art Libre.